Nizzy. C'est la classique photo. Sega. Sega. Sega. J'arrive trop gros stream de bâtard, un lit flow cosmique et bataille personnelle, j'en perds le sommeil, je veux faire sonner des titres en pagaille. Ah c'est juste là, en tailleur je m'applique à fuste là. Mais vu que l'argent est sale, paraît que le luxe de l'art. Je reste fier, frère, je gratte avec un bout de jaune. Quand j'ai besoin d'air avec mes bourges zones, full sonore, arrive en ville, t'as pas la voine. Bonhomme, si tu nous envies, t'as qu'à la voir. On vit entre les riches, les cailles, dans le kiff, le bise de caille. On débarque, prends tes parts et pas besoin de grands débats. Et quand on kick des pistes, c'est d'ailleurs pour les types d'ici et d'ailleurs. On grandit dans le sale sans toi ou même les clics de flics retaillent. Et là faut que je rapplique dans ma tanière. Nos futurs se préparent, c'est la classique sur la bannière. Ce sera underground, pas de manière. Pendant que les autres scoom tendance old school, j'ai eu ce débat hier. Faudrait une vie entière pour réparer toutes nos sutures. Toutes nos sutures. Tous préparés pour nos futurs. Pour nos futurs. Les preuves du temps sont là dans un double CD. Je remercie mon public. Merci. Je sais bien que sans vous tout peut céder. Faudrait une vie entière pour réparer toutes nos sutures. Toutes nos sutures. Tous préparés pour nos futurs. Pour nos futurs. Les preuves du temps sont là dans un double CD. Je remercie mon public. Merci. Je sais bien que sans vous tout peut céder. On est ensemble mes enfoirés. C'est la classique. Hey. L'épreuve du temps. La suite arrive.